de Nathaniel Hawthorne. Le livre des merveilles, partie 2. Les Pygmées. Dans les anciens temps, à l'époque où le monde était plein de merveilles, il existait un géant, né du sein de la terre, nommé Anté, et un curieux petit peuple, composé de moins d'un million d'individus, ayant la même origine, qu'on appelait Pygmées. Ce géant et ses Pygmées, fils d'une mère commune, c'est-à-dire notre bonne vieille grand-mère, la terre, habitaient ensemble bien loin, au bien loin, au centre torride de l'Afrique. Les liens d'une pure fraternité les unissaient tous en une seule famille. Les Pygmées étaient si petits, il y avait tant de déserts de sable, des montagnes si élevées entre eux et le reste du genre humain, qu'on ne les entrevoyait pas plus d'une fois tous les 100 ans. Quant au géant, sa taille colossale pouvait facilement s'apercevoir, mais le plus sûr était de se tenir à une grande distance. Si le peuple des Pygmées produisait par hasard un individu de 6 ou 8 pouces, on le considérait comme un homme d'une taille prodigieuse. Ce devait être un spectacle des plus intéressants de voir leur petite ville avec des rues de 2 ou 3 pieds de large, pavées des cailloux les plus menus et bordées d'habitations à peu près grandes comme des cages d'écureuils. Le palais des rois atteignait la proportion surprenante de la boîte à poupées de Pervenche et s'élevait au milieu d'une place spacieuse que notre tapis de cheminée aurait eu de la peine à couvrir entièrement. Leur temple principal, ou leur cathédrale, comme on voudra l'appeler, avait autant d'élévation que cette commode et passait pour un édifice d'une magnificence incomparable. Les matériaux employés à toutes ces constructions ne consistaient ni en pierre ni en bois. Elles étaient proprement mastiquées par les ouvriers de ce peuple en miniature, à peu près comme des nids d'oiseaux, avec des fragments de paille, des plumes, des coquilles d'œufs et autres matières du même genre, réunies par de la terre glaise en guise de mortier. Et, après avoir été séchées au soleil, ces maisons semblaient aussi élégantes et aussi confortables qu'un pygmée pût le désirer. Le pays au milieu duquel ils habitaient se composait de champs dont le plus étendu offrait une dimension à peu près égale au parterre de jolis bois. C'est dans ces plaines que les pygmées semaient du blé et d'autres graines, qui, une fois arrivées à leur croissance et à leur maturité, suffisaient pour protéger de leur végétation bienfaisante cette population de nains, comme les sapins, les chênes, les châtaigniers, les marronniers nous ombragent nous-mêmes quand nous parcourons la campagne. Au temps de la moisson, ils étaient obligés de se servir de haches, exactement comme le font les bûcherons pour éclaircir les forêts. Et quand une tige de froment chargée d'un pesant épi s'abattait sur un malheureux pygmée, il se trouvait dans une triste situation. Si cette tige ne l'écrasait pas sous son poids, il n'en était pas quitte à moins d'un violent mal de tête. Je vous ai parlé de la petitesse des pères et des mères, mais vous figurez-vous celle des enfants et des nouveau-nés. Une famille aurait pu tenir dans un soulier ou se loger dans un vieux gant et jouer à cache-cache entre les doigts. Vous auriez facilement couvert avec un dé à coudre un nourrisson de 12 mois. Oh, ces drôles de petites créatures, comme je vous le disais tout à l'heure, avaient pour voisin et pour frère un géant dont la stature énorme surprenait encore plus, s'il est possible, que leur exiguïté. En effet, il fallait qu'il fût bien grand, car il se servait pour bâton d'un sapin de 8 pieds de circonférence. Un pygmée favorisé de la vue la plus longue pouvait à peine apercevoir la tête du colosse sans le secours d'un télescope. Et parfois, lorsqu'il marchait au milieu d'eux par un temps de brouillard, on distinguait difficilement le haut de son corps. Ses deux jambes seulement étaient visibles à l'œil nu, mais par un beau soleil de midi, si l'atmosphère devenait limpide et transparente, le géant Anté présentait un spectacle vraiment sublime. Montagne, à forme humaine, il fallait le voir se dresser de toute sa hauteur au milieu de ses petits frères, l'air souriant et les contemplant avec complaisance de toute la largeur d'un œil unique qui, placé juste au milieu de son front, ayant les dimensions d'une roue de charrette, embrassait d'un seul regard la nation entière assemblée au pied du géant. Les pygmées aimaient à converser avec Anté. 50 fois par jour, les uns après les autres, ils levaient la tête tant qu'ils pouvaient et lui criaient de toute leur force en formant comme un porte-voix avec le creux de leurs mains. « Oh, oh, frère Anté, comment cela va-t-il, mon camarade ?» Quand par hasard ces petites voix criardes parvenaient à ses oreilles, il leur répondait « Pas mal, frère pygmée, merci mon ami. d'une voix de tonnerre dont la vibration eût renversé le plus solide de leurs temples sans la distance qui l'en séparait. Heureusement pour ce peuple si faible, Hanté nourrissait à son égard des sentiments d'amitié sincère, car il y avait dans le petit doigt du colosse plus de force que dans 1 million d'individus comme ceux dont nous parlons. S'il avait été pour eux aussi méchant que pour tout le monde, il eût pu, d'un coup de pied, détruire de fond en comble la plus importante de leur cité, sans même s'en apercevoir. Il n'avait qu'à souffler un peu pour soulever les toits d'une centaine de maisons et emporter dans les airs les habitants par milliers, comme un tourbillon de poussière. Supposez que le géant eût simplement posé son immense pied sur une multitude vivante et qu'il eût ensuite retiré. Vous représentez-vous l'horreur d'une pareille catastrophe ? Mais, étant comme eux, fils de la terre, le géant les aimait d'un amour de frère, et aussi tendrement qu'on pouvait aimer des créatures si infimes. De leur côté, les pygmées rendaient à leur aîné autant d'affection que leur cœur était susceptible d'en contenir. Ils le trouvaient toujours prêt à les aider de tout son pouvoir. Avait-il, par exemple, besoin d'une brise légère pour faire tourner leur moulin ? Aussitôt, toutes les ailes se mettaient en mouvement sous l'influence de la respiration naturelle de ses poumons. Le soleil dardait-il de ses rayons trop ardents, il s'asseyait à terre et l'ombre de son corps s'étendait sur tout le royaume d'une frontière à l'autre. Quant à leurs affaires intérieures, en général, le géant était assez sage pour les laisser se gouverner en entière liberté, exemple que devraient, après tout, suivre les grands à l'égard des petits. En un mot, comme je viens de vous le dire, Hanté aimait les pygmées et les pygmées le lui rendaient bien. La durée de la vie du géant correspondait à l'immensité de son corps, comme celle des pygmées se mesurait à leur petitesse. Une cordialité mutuelle n'avait cessé d'exister entre eux pendant des siècles et des générations innombrables. Le souvenir s'en conservait dans les annales des pygmées et dans leurs traditions les plus anciennes. De mémoire de pygmées, si l'on eût consulté le plus vénérable et le plus barbu, jamais le plus ancien de ses grands-parents n'avait entendu dire que leur gigantesque ami se fût refroidi dans ses sentiments d'affection. Un jour, on ne peut passer sous silence un fait si considérable qui demeura constaté sur un obélisque de 3 pieds de haut élevé sur la place même. Un jour, Hanté, en s'asseyant, s'étala sur 5 000 pygmées, réunis pour une revue militaire. C'était un de ces malheureux accidents où il n'y a de la faute de personne. Aussi le bon petit peuple n'en garda pas rancune à l'auteur de ce désastre. Le géant fut seulement prié d'examiner à l'avenir avec plus de soin l'arpent de terrain où il désirait s'accroupir. Il est vraiment plaisant de s'imaginer Hanté comme la tour de la plus haute cathédrale qui ait jamais été construite, debout au milieu de ces fourmis à face humaine, allant et se démenant à ses pieds, et de penser que, malgré la différence de leur taille, il existait entre ces êtres et lui un lien sympathique et des égards réciproques. Vraiment, il m'a toujours semblé que le géant pouvait moins se passer de leur société que les pygmées de la sienne. En effet, sans ses voisins bienveillants, et nous le disons hardiment, ses compagnons de jeu, il n'aurait pas eu un seul ami dans le monde. Unique de son espèce, il n'avait jamais rencontré une créature de sa dimension qui put converser face à face avec lui, avec des accents de tonnerre. Quand il se tenait la tête au milieu des nuages, il se trouvait complètement isolé, et cela depuis des siècles, et pour toujours. Supposons même une rencontre avec un autre géant. Hanté se fut figuré que le monde n'était pas assez vaste pour contenir 2 personnages de sa stature, et au lieu de se lier avec son pareil, il lui eut livré bataille jusqu'à ce que mort s'ensuivît. Mais avec les pygmées, c'était le plus gai, le plus jovial, le plus folâtre, le meilleur enfant de géant qui se fût jamais rafraîchi le front au sein des nuages. Ses petits amis, comme bien d'autres peuples qui ne sont pas forts non plus, concevaient la plus prétentieuse opinion de leur propre importance et prenaient maintes fois avec lui un air tant soit peu protecteur. « Pauvre frère, se disait-il, il a une vie bien triste, toujours tout seul. » Et nous ne devons pas regretter de perdre pour l'amuser quelques-uns de nos instants si précieux. Sans doute, il ne possède pas, comme nous, de brillantes qualités, mais c'est une raison de plus de veiller à son bien-être et à son bonheur. Montrons-nous toujours bons envers ce vieux camarade. Eh bien, si notre mère, la Terre, ne nous avait prodigué ses bienfaits avec autant de libéralité, nous aurions pu aussi bien être des géants, tous tant que nous sommes. Chaque jour de fête, les Pygmées se livraient avec Anté à de joyeux ébats. Quand il s'étendait tout de son long par terre et ressemblait à une chaîne de montagnes, il y avait pour la jante trotte menue une bonne heure de marche pour aller de la tête aux pieds du colosse. Quelquefois, il posait à plat sa main sur le gazon, excitait le plus grand de ses visiteurs à l'escalade et les défiait d'enjamber ses doigts. La plupart poussaient l'intrépidité jusqu'à explorer les plis de ses vêtements. Quand il laissait tomber sa tête de côté, il grimpait intrépidement jusqu'à la bouche. Et c'était des éclats de rire, interminables, si ce gouffre s'entr'ouvrait et faisait semblant d'en vouloir râper une cinquantaine à la fois. Vous vous seriez bien diverti à voir des troupes d'enfants aller et venir en folâtrant entre ses cheveux ou jouer à la balançoire dans les poils de sa barbe. Il n'est pas possible de vous raconter tous les amusements qu'ils se permettaient avec leurs gigantesques camarades. Je n'en citerai qu'un, le plus curieux, selon moi. Souvent, une bande de petits garçons faisait des courses sur la plateforme de son front et se défiait à qui accomplirait le plus tôt le tour de son œil immense. L'exercice gymnastique le plus en vogue parmi eux consistait à gravir la proéminence de son nez et à sauter de là comme du haut d'un pont sur la lèvre supérieure. Si nous voulons parler avec franchise, ils étaient parfois aussi ennuyeux pour le géant qu'aurait pu l'être une réunion de fourmis ou de cousins, spécialement quand il leur prenait la malicieuse envie de piquer sa peau avec leur petite lance ou leur petit sabre pour en éprouver l'épaisseur et la dureté. Mais Anté se prêtait avec bienveillance à toutes ces espiègleries. De temps en temps, il lui arrivait bien, s'il s'assoupissait, de grommeler quelques mots qui résonnaient comme une tempête lointaine et de les inviter à terminer leur folie. Cependant, cette masse indolente supportait le plus souvent leur hilarité et leur gambade, jusqu'au moment où il était tout à fait réveillé par tant d'agacerie. Et alors, il faisait retentir un de ces immenses éclats de rire. Et la nation entière des Pygmées de se mettre les mains devant les oreilles pour ne pas être assourdie par un fracas aussi épouvantable. « Oh, oh, oh !» s'écriait-il ensuite en soulevant ses flancs énormes. « Comme c'est drôle et amusant d'être petit. Si je n'étais pas Anté, je voudrais être Pygmée, rien que pour me divertir comme eux. » Les Pygmées n'avaient dans le monde qu'un sujet de trouble et d'inquiétude. Ils étaient constamment en guerre avec les grues, et cela du plus loin que le géant pût se souvenir. De temps en temps, ils se livraient entre eux de terribles batailles. La victoire favorisait tantôt les uns, tantôt les autres. Selon quelques historiens, les premiers se rendaient sur le lieu du combat, montés sur des boucs et sur des béliers. Mais de tels coursiers devaient être beaucoup trop gros pour des soldats de cette espèce. Je suppose que leur cavalerie se recrutait plutôt d'écureuils, de lapins ou de rats, peut-être encore de porcs-épics, dont les dards aigus présentaient à l'ennemi des armes formidables. À part toute conjecture, et quels que fussent les animaux dont ils faisaient usage, il reste acquis à l'histoire que ces fameuses légions présentaient un aspect redoutable quand on voyait briller dans les rangs glaives, lances, arcs et flèches, qu'on entendait sonner leurs trompettes et éclater leurs cris de guerre. Ces fiers combattants ne manquaient point de s'exhorter à déployer toute leur vaillance en rappelant que le monde avait les yeux fixés sur eux. Pourtant, pour réduire la vérité à sa juste expression, les témoins de tant d'exploits se bornaient au géant Anté. Lui seul les contemplait d'un œil rond et stupide, largement ouvert au milieu de son front. Quand les deux armées se rencontraient, les grues s'élançaient en avant, en battant des ailes et en allongeant leurs coups. Elles saisissaient quelquefois, du bout du bec, leurs adversaires par le milieu du corps. Alors, c'était vraiment un spectacle cruel que de voir ces braves petits soldats enlevés en l'air se débattre de tous leurs membres et à la fin disparaître dans un long gosier englouti vivant. Un héros, vous le savez, doit toujours se tenir prêt à supporter tout pour l'amour de la gloire. Et sans doute, en pensant à l'éclat qui en rejaillirait sur leur mémoire, ils se consolaient de cette mort jusque dans le jabot d'une grue. Si Anté voyait que la bataille prit une mauvaise tournure pour ses amis, il s'arrêtait ordinairement pour rire un peu, puis il faisait un pas d'un mille de long pour aller à leur secours, en brandissant sa massue et en criant après les grues qui, cancanant et caquetant, décampaient au plus vite. Alors les braves pygmées rentraient en triomphe dans leur foyer, attribuant la victoire à leur bouillant courage, au mouvement stratégique et au talent militaire de leur général. En outre, on n'en finissait plus avec les longs et solennels défilés de troupes, les banquets publics, les illuminations splendides, les expositions de figures de cire représentant les officiers qui s'étaient distingués, tous exécutés, petits comme nature. Si par hasard, dans une affaire de cette importance, un pygmée était parvenu à arracher une plume de la queue d'une grue, il en surmontait orgueilleusement son casque. Une ou deux fois, si vous voulez ajouter foi à mon assertion, un des chefs fut élevé par ses concitoyens au suprême gouvernement de la nation, sans autre mérite que de rapporter un pareil trophée. Mais je vous en ai dit assez pour vous montrer quel vaillant petit peuple étaient les Pygmées et quelle harmonie ne cessa de régner, de temps immémorial, entre leurs ancêtres et le géant hanté. Je vous ferai, dans le courant de cette histoire, le récit d'une bataille beaucoup plus extraordinaire, livrée entre eux et les grues. Un jour, le puissant hanté s'étendait de toute sa longueur au milieu de ses amis. Son sapin était placé par terre à ses côtés. Sa tête reposait dans une partie du royaume et ses pieds dépassaient les limites d'une autre contrée. Tandis qu'il goûtait les douceurs de cette situation, les pygmées lui grimpaient sur le corps de tous les côtés, venaient examiner les profondeurs de sa bouche entr'ouverte et folâtraient dans les touffes de ses cheveux. De temps en temps, le géant s'assoupissait pour une ou deux minutes et ronflait avec le bruit sourd d'un ouragan. Pendant un de ces courts intervalles de sommeil, un pygmée fit par hasard l'ascension de son épaule et jeta un regard sur l'horizon qui l'environnait, comme quand on contemple le paysage du haut d'une colline. Quelque chose frappa sa vue dans le lointain. Il se frotta les yeux pour y voir plus clair. D'abord, il prit cet objet pour une montagne et ne pouvait s'expliquer comment elle était sortie de terre si soudainement. Mais bientôt, voilà que la montagne se mit en mouvement. À mesure qu'elle approchait, les contours d'une forme humaine se dessinaient graduellement, d'une dimension inférieure à celle d'Hanté, il est vrai, mais toujours énorme, en comparaison de celle des Pygmées. En tout cas, la taille de l'arrivant était hors de toute proportion avec celle des hommes de nos jours. Aussitôt que l'auteur de cette découverte se fut assuré de la justesse de son observation, il prit ses jambes à son cou et se rendit à l'oreille du géant. Là, se penchant sur les bords de cette profonde cavité, il lui cria de toutes ses forces « Holà ! Oh, frère Hanté, lève-toi sur le champ et prends bien vite ton grand bâton. Voilà un autre géant qui vient pour te chercher querelle. »« Oh, bah » murmura-t-il à moitié éveillé, « ne vois-tu pas que j'ai envie de dormir ? Il n'existe pas sur terre de géant pour lequel je voulusse me déranger. » Mais le pygmée donna un dernier coup d'œil et aperçut clairement l'étranger qui dirigeait ses pas vers l'indolent colosse. Plus il avançait, moins son aspect affectait l'apparence d'une montagne. C'était évidemment un homme, mais de proportions immenses. Il fut bientôt si près qu'aucune méprise n'était plus possible. Le soleil dardait ses rayons sur son casque d'or, et de sa cuirasse jaillissaient des traits de lumière. On le distinguait parfaitement avec un glaive au côté, sur le dos une peau de lion, et sur l'épaule droite, une massue plus énorme et plus pesante, au dire des spectateurs, que le bâton d'Hanté formé d'un sapin entier. En un moment, tout le peuple avait pu contempler la nouvelle merveille, et un million d'individus s'étaient levés comme un seul homme en poussant à la fois une seule acclamation, de manière que la masse de ces petits cris réunis produisit un bruit véritablement perceptible. « Allons, Hanté, remue-toi donc, vieux paresseux !» « Vois-tu là-bas un autre géant, aussi fort que toi, qui vient pour te combattre ?»« Niaiserie que tout cela !» grogna Hanté encore engourdi. « Vienne qui voudra, je veux finir mon somme, tranquillement. » Cependant, l'étranger avançait toujours, et les pygmées purent immédiatement remarquer que, si la taille était moins élevée que celle de leurs frères, il avait les épaules bien plus larges. Et quelles épaules ce devait être ! Je vous l'ai dit du reste autrefois, elles avaient soutenu le poids du ciel. Les pygmées, 10 fois plus alertes que leur lourdeau de frères, impatientés de sa fainéantise, résolurent de le faire mettre sur pied. Ils commencèrent à pousser de violentes clameurs et allèrent même jusqu'à le piquer avec leurs épées. Debout, debout, lève-toi, vilain nonchalant. Le géant étranger a un bâton encore plus gros que le tien. Ses épaules sont plus larges que les tiennes, et à notre avis, il est le plus fort de vous deux. » Ces derniers mots firent sortir Hanté de son apathie. Il ressentit plus profondément cette offense que la pointe de leurs armes. Et s'étant mis sur son séant, en proie à la mauvaise humeur, il exécuta un bâillement de plusieurs mètres de large, se frotta l'œil, et enfin tourna sa tête stupide dans la direction que lui indiquaient avec tant d'empressement ses petits amis. Il n'a pas plus tôt aperçu l'inconnu qu'il se lève d'un bond, saisit son bâton et s'avance d'un mille ou deux à sa rencontre, en brandissant son énorme sapin avec une violence telle que l'air en est bruyamment agité. « Qui es-tu ? » cria-t-il d'une voix menaçante. « Et que viens-tu faire dans mes domaines ?» Il y avait dans la nature d'Hanté un phénomène étrange dont je ne vous ai pas encore parlé, de peur que, si j'entassais merveille sur merveille, vous ne fussiez portés à ne pas en croire plus de la moitié. Voici en quoi consistait ce nouveau prodige. Toutes les fois que ce redoutable géant touchait la terre, soit avec sa main, soit avec son pied, ou toute autre partie de son corps, il devenait plus fort que jamais. La terre, vous vous en souvenez, lui avait donné le jour, et nourrissait pour lui une grande prédilection. C'était presque, selon elle, le mieux constitué de ses enfants. Aussi employait-elle ce moyen pour le maintenir dans la plénitude de sa vigueur. Quelques personnes affirment qu'il devenait 10 fois plus robuste à chaque contact avec le sol. D'autres disent seulement 2 fois. Mais pensez un moment à ceci. Supposez qu'Hanté fit une promenade de 10 000 à 100 mètres par enjambée. Vous pouvez aisément calculer quelle pouvait être sa force au moment où il s'arrêtait. N'eût-il pris qu'un instant de repos en s'étendant par terre, il se relevait aussitôt plus puissant que 10 géants de son espèce. Heureusement pour le monde, il était d'une nature indolente et apathique, et aimait mieux le repos que l'exercice, car s'il s'était donné du mouvement comme les pygmées, et qu'il eût touché la terre aussi souvent que cela leur arrivait, il aurait depuis longtemps été à même, s'il l'eût voulu, de faire écrouler le firmament sur la tête des humains. Mais ces êtres de grandeur excessive, inertes de caractère, ressemblaient à des montagnes, non seulement pour la taille, mais encore pour leur tendance à l'immobilité. Tout autre mortel que celui à la rencontre de qui Hanté s'était élancé aurait été épouvanté jusqu'au fond de l'âme par l'aspect féroce et la voix terrible de ce dernier. Mais l'étranger ne parut pas le moins du monde s'en préoccuper. Il leva négligemment sa massue et la balança dans sa main en mesurant Hanté du coin de l'œil, des pieds à la tête, non pas comme s'il eût été surpris de sa haute stature, mais simplement comme s'il avait déjà vu un grand nombre de géants, et celui-ci était certes le plus grand qui se fût jamais trouvé sur son chemin. Mais l'étranger ne s'épouvantait pas plus que si Hanté n'eût pas été plus gros que les pygmées, qui assistaient de loin à cette rencontre, écoutant de toutes leurs oreilles et ouvrant de grands yeux. « Qui es-tu ? » riposta Hanté, enflant encore sa voix. « Ton nom ? Que viens-tu faire par ici ? « Parle, vagabond, ou je vais éprouver l'épaisseur de ton crâne avec le bout de ma canne. « Tu es un géant bien discours-toi, » répondit tranquillement le voyageur. « J'aurais probablement besoin de t'enseigner un peu la politesse avant de te quitter. « Mon nom est Hercule. Je passe par ici parce que c'est mon chemin le plus direct pour gagner le jardin des Hespérides, où je me rends dans l'intention de me procurer 3 pommes d'or destinées au roi Eurysthée. « Misérable, tu n'iras pas plus loin !» rugit Hanté en se donnant un air plus terrible encore, car il avait entendu parler d'Hercule, et le haïssait précisément à cause de sa réputation. « Tu ne retourneras pas même au lieu d'où tu viens. « Comment prétends-tu m'empêcher d'aller où bon me semble ?»« En te donnant un coup du sapin que tu vois, » s'écria Hanté, grimaçant une expression de colère, qui en fit bien, aux yeux de son visiteur, le monstre le plus laid de toute l'Afrique. « Je suis 50 fois plus fort que toi, et tiens !» ajouta-t-il en frappant du pied, « voilà que je suis 500 fois plus fort. J'ai honte de tuer un chétif nain tel que toi. J'aime mieux faire de toi mon esclave, et l'esclave de mes frères, les pygmées. Ainsi, jette ta massue et tes autres armes. Quant à cette peau de lion, je m'en ferai une paire de gants. Eh bien, viens donc l'arracher de mes épaules, cette peau de lion, » répliqua Hercule en levant son arme favorite. Alors le géant, transporté de rage et grinçant des dents, s'avança. Chacun de ses pas décuplait sa vigueur, il laissa tomber son sapin sur Hercule avec une violence épouvantable. Celui-ci para le coup avec sa massue, et plus adroit que son adversaire, lui en asséna sur le crâne un coup si terrible que l'homme montagne tomba à plat sur le terrain. Les pauvres petits pygmées furent glacés d'effroi, car ils n'avaient jamais pu s'imaginer qu'il existât dans le monde entier un être comparable à leur frère pour la vigueur. Mais le géant ne fut pas plus tôt abattu qu'il bondit de nouveau, 10 fois plus robuste, et avec une expression de fureur qui faisait frémir. Il dirigea un autre coup contre Hercule, mais, aveuglé par la rage, il ne l'atteignait pas et frappa seulement sa pauvre et innocente mère, la terre, qui gémit et trembla sous ce choc extraordinaire. Le sapin s'enfonça si profondément et resta si solidement fixé dans le sol qu'avant de laisser à hanter le temps de l'en arracher, le héros déchargea encore un coup de sa massue entre les deux épaules de son agresseur. Et telle était la puissance du bras d'Hercule que le géant poussa un hurlement qui, en sortant de cette vaste poitrine, produisit un retentissement incommensurable. La vibration s'étendit dans l'espace, franchit les vallées et les monts, et autant que je puis en être informé, résonna sourdement jusqu'au-delà des déserts africains. Quant aux pygmées, leur capitale fut renversée de fond en comble par l'ébranlement de l'air et la répercussion du son. Cette voix de tonnerre paraissait suffisante. Mais ils se crurent obligés d'ajouter au cri du géant la pointe de leurs 3 millions de petites voix criardes, pour le rendre, à ce qu'ils pensaient, 10 fois plus éclatant. Cependant, Hanté avait pu se remettre sur pied, et il parvient à dégager son arbre. Alors, exaspéré et fortifié encore par sa chute, il s'élança sur Hercule et lui porta un dernier coup. « Cette fois, misérable, tu ne m'échapperas pas » cria-t-il avec insolence. Mais Hercule se couvrit de nouveau en se faisant un rempart de sa massue contre le sapin, qui fut broyé du choc et dont les 1000 débris s'éparpillèrent au milieu des pygmées en leur causant des ravages impossibles à décrire. Sans laisser à Hanté le temps de se remettre, Hercule redoubla son attaque et l'envoya faire une affreuse culbute, sans autre résultat que d'accroître encore la vigueur défensive du fils de la terre. Vous dirai-je sa rage ? Impossible. La fournaise la plus ardente n'a rien de comparable. Son œil unique n'était plus qu'un cercle enflammé. Il ne lui restait d'armes que ses 2 poings fermés, plus gros chacun qu'une tonne. Ils serraient l'un contre l'autre. Il se mit alors à faire des bonds en proie au paroxysme de la frénésie, en raidissant ses bras immenses comme s'il se fût apprêté, non pas simplement à tuer Hercule, mais bien à broyer l'univers. « Avance, mugit le géant de sa plus grosse voix. « Je vais te frotter les oreilles de façon à te guérir pour toujours du mal de tête. » Hercule, comme vous le savez, avait eu assez de force pour soutenir le firmament. Il commençait pourtant à douter de la victoire s'il continuait ainsi à terrasser Hanté, car à chaque fois qu'il lui ferait éprouver la vigueur de son bras, celui-ci recevrait inévitablement de sa mère, la terre, une puissance à la fin supérieure à la sienne même. Le héros se débarrassa de sa massue avec laquelle il avait livré de si terribles combats et se tint prêt à répondre sans autres armes que ses bras nus à l'assaut de son adversaire. « Tu peux venir à présent, lui dit-il, puisque j'ai mis en pièces ton sapin. Nous allons voir qui de nous deux l'emportera à la lutte. « Ah ah, tu vas bientôt être satisfait !» vociféra ce furieux athlète, car ce dont il se vantait le plus, c'était sa supériorité dans ce genre de combat. « Misérable, je vais te réduire en état tel que tu ne t'en relèveras pas !» Proférant cette menace, Hanté se mit à sauter et à bondir en écumant de rage, acquérant à chaque mouvement des ressources physiques proportionnées à son exaspération. Mais Hercule, comme bien vous le pensez, en savait plus long que cet être inculte et grossier, monstrueux et gigantesque produit de la nature. Il imagina un moyen de lui résister et de triompher de lui malgré l'appui que lui fournissait sa mère. Le géant se précipite, mais son antagoniste le saisit de ses bras nerveux par le milieu du corps et l'enlève au-dessus de sa tête, les jambes en l'air. Pouvez-vous vous faire une idée de cette scène ? « Mes chers amis, vous représentez-vous ce colosse, tout à l'heure si brave et si furieux, maintenant se débattant dans l'espace, la tête en bas, tordant convulsivement son corps, lançant des ruades dans le vide avec ses jambes démesurées. » Cependant, Hercule l'enlevait avec la même facilité que fait un père quand il balance son enfant jusqu'au plafond au bout de ses bras. Mais le plus merveilleux, c'est qu'Anté ne fut pas plutôt enlevé du sol qu'il commença à perdre tous ses avantages. Hercule ne fut pas longtemps à s'apercevoir que son ennemi s'affaiblissait de plus en plus. D'abord, ses efforts et ses contorsions devenaient de moins en moins violents. Puis le tonnerre de sa voix n'était presque plus qu'un grognement qui s'éteignait peu à peu. La nature d'Anté était telle que, s'il restait 5 minutes sans être en communication immédiate avec la terre, non seulement la résistance nerveuse accumulée dans ses membres, mais le souffle même de la vie, devait l'abandonner à jamais. Son secret fut découvert par le vainqueur de tant d'autres monstres. Il est bon que nous en prenions bonne note, pour le cas où nous serions appelés à combattre un ennemi dans le genre d'Anté. Ces créatures, sorties du sein de la terre, ne sont difficiles à vaincre que sur la terre même. On triomphe d'elles si on peut les transporter dans des régions plus élevées et plus pures. C'est ce qui arriva pour ce pauvre géant, que je ne puis m'empêcher de plaindre, malgré sa manière incivile de traiter les étrangers qui venaient lui rendre visite. Sa force et son souffle, une fois paralysés, Hercule donne de l'élan à ce corps suspendu au bout de ses bras et le jette à 1 mille environ, où il s'aplatit en tombant comme une masse inerte. Son immobilité était telle qu'on l'eût pris pour un banc de sable. Sa mère, la terre, ne pouvait plus venir à son secours. Il était trop tard, et je ne serais pas étonné que de nos jours on trouvât encore, au même endroit, un tas d'ossements que l'on prendrait probablement pour ceux de quelque éléphant d'une taille extraordinaire. Mais, hélas, quelle fut la désolation des malheureux pygmées en voyant traiter si cruellement leur gigantesque ami. Si leurs lamentations et leurs cris parvinrent jusqu'aux oreilles d'Hercule, le héros n'en tint aucun compte, ou bien il s'imagina peut-être que c'étaient les gazouillements d'une bande d'oiseaux terrifiés par la lutte qui venait d'avoir lieu, et chassés en tumulte de leur nid. En effet, son attention avait été à ce point absorbée par Anté qu'il n'avait pas jeté le moindre regard sur les pygmées. Je vais plus loin. Il ne savait même pas s'il existait au monde un peuple d'une espèce aussi curieuse. Et comme d'un côté il avait déjà fait une longue route, que d'un autre il s'était livré à un exercice passablement fatigant dans ce combat inattendu, il étendit par terre sa peau de lion, se coucha dessus et tomba aussitôt endormi. Les pygmées, qui avaient observé les préparatifs d'Hercule, hochèrent leurs petites têtes et se firent des clignements d'yeux en signe d'intelligence. Un vaste complot était sur le point de se tramer. Quand ils se furent assurés à la respiration profonde et régulière de leur ennemi qu'il était bien assoupi, ils convoquèrent une assemblée générale. Une foule immense répondit à l'appel et remplit un espace d'environ 27 pieds carrés. L'un des orateurs les plus éloquents, guerrier d'une haute valeur, bien qu'il ne se rendît réellement redoutable qu'avec la langue, escalada un champignon et de cette position élevée harangua la multitude. Il exprima ses sentiments de la façon suivante, car nous essayerons tout au moins de donner une idée de son exorde. « Grands pygmées et puissants petits hommes, nous avons tous été témoins des faits qui ont amené une calamité publique. Vous savez quelle insulte a reçue la majesté de notre nation. À quelques pas d'ici, notre noble frère et ami a succombé sous les coups d'un vil mécréant qui est venu lui livrer bataille. S'il est permis d'appeler bataille une lutte hors de toute proportion avec ce qu'a pu jamais rêver aucun homme, aucun géant, je dirais même aucun pygmée. » Ajoutant l'outrage à la noirceur de son crime, le misérable s'abandonne en ce moment au sommeil, comme s'il n'avait rien à redouter de votre juste courroux. Il nous appartient, concitoyens, de considérer quel spectacle nous présenterons au monde et quel sera le jugement de l'impartiale histoire si nous laissons sans vengeance tant d'offenses accumulées. Anté a reçu le jour, comme nous, d'une mère bien-aimée, à qui nous devons la vigueur de nos bras et le sang généreux de nos cœurs, jadis l'orgueil de notre frère. C'était notre plus fidèle allié. Il est tombé en combattant pour la défense de nos droits et de notre indépendance, autant que pour son honneur personnel. Nous et nos ancêtres avons vécu dans les termes d'une amitié sincère. Et d'homme à homme, nous avons entretenu des relations affectueuses qui, de temps immémorial, n'ont jamais été interrompues. Vous vous souvenez avec quelle confiance notre nation tout entière se reposait à sa grande ombre, et combien de fois nos enfants ont joué à cache-cache dans la forêt de ses cheveux. Vous vous souvenez avec quelle familiarité il portait au milieu de nous ses vastes pas, sans jamais nous marcher sur les pieds. Il est là, gisant, ce frère bien-aimé, ce doux et tendre ami, ce brave et fidèle allié, ce vertueux géant hanté à l'âme excellente et sans reproche. Mort, mort, immobile, inanimé, désormais montagne de poussière. Pardonnez à mes larmes, mais je vois couler les vôtres. Dussions-nous en noyer le monde, qui pourrait blâmer notre douleur? Le temps presse, j'abrégerai mon discours. Permettrons-nous à l'infâme étranger de quitter impunément le sol de notre patrie et de se vanter chez des nations barbares d'un triomphe obtenu par la trahison? Ne le forcerons-nous pas plutôt à laisser ici ses os sur notre terre, à côté de ceux de notre frère immolé, afin que, si les restes de l'un offrent à notre mémoire un monument éternel de douleur, les restes de l'autre transmettent à la race humaine tout entière un exemple éclatant de la vengeance des Pygmées? Voilà la question. Je vous la soumets, et j'attends de vous une réponse digne, j'en ai la pleine conviction, de notre caractère national. Une réponse formulée de façon à accroître plutôt qu'à diminuer l'héritage de nos aïeux. Dans nos guerres avec les Grecs, nous avons déjà fait voir que nous ne sommes pas dégénérés. Un enthousiasme irrésistible maîtrisa tous les cœurs et de bruyantes acclamations interrompirent l'éloquent patriote. Tous s'écrièrent que l'honneur national devait être sauvegardé à tout prix. Le petit Cicéron s'inclina et d'un geste qui réclamait le silence, reprit sa harangue dans les admirables termes que voici. Nous n'avons plus qu'à décider si nous ferons une levée en masse contre l'ennemi commun ou si nous élirons dans nos rangs quelques champions illustrés déjà par ses exploits militaires pour défier en combat singulier l'assassin de notre frère. Je ne me dissimule pas qu'il y a parmi vous des hommes plus grands que moi, mais je m'offre avec bonheur pour remplir ce devoir. Croyez-moi, cher confrère, que je survive ou que je succombe, l'honneur de cette grande nation et la renommée que nous ont léguée nos héroïques ancêtres ne trouveront pas en moi un dépositaire infidèle. Jamais, aussi longtemps que ma main pourra tenir ce fer dont je jette en ce moment le fourreau, jamais, non jamais, quand même le bras sanglant qui a immolé le puissant hanté me ferait subir un sort pareil au sien, je ne trahirai la cause à laquelle je suis prêt à sacrifier ma vie. En prononçant cette péroraison, le Pygmée tira sa redoutable épée, aussi longue qu'une lame de canif, et en lança la gaine par-dessus les têtes de la multitude. Sa brillante improvisation fut suivie d'un tonnerre d'applaudissements, comme le méritait incontestablement son héroïsme et sa générosité. Les acclamations chaleureuses et les battements de mains frénétiques se seraient prolongés encore si Hercule endormi ne les eût couverts par le bruit d'une profonde respiration à laquelle on donne le nom vulgaire de ronflement.